Le second film dont je voulais vous parler, c'est pas vraiment un film, c'est un téléfilm. C'est une production franco-belge. Tout ça pour ça. Et je l'ai vu, en exclusivité lors d'une diffusion au Forum des Images. Ça s'appelle Presque comme les autres. Donc c'est un téléfilm qui a été écrit par Pascal Bailey, d'après le livre de Francis Perrin et de sa femme, qui raconte leur combat quotidien auprès de leur fils Louis, qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Ce téléfilm raconte l'épopée qu'ont subi les parents, donc interprétés par Bernard Campan et Marie-Julie Parmentier, avant que le diagnostic ne tombe. Donc l'incompréhension des collègues, des employeurs, le refus des crèches, les démissions des babysitters, l'épuisement des proches, le déni de la famille et surtout le refus des médecins à se prononcer. Ce téléfilm est très bien réalisé par Renaud Bertrand. On y retrouve bien sûr les codes de la télévision, mais ce film a toutes les qualités d'un film de cinéma, dont une direction d'acteur rare. On est avec le personnage de la maman, on vit avec elle, on souffre avec elle. Elle est interprétée magistralement par une Marie-Julie Parmentier trop rare dans le paysage cinématographique français. Bernard Campan, qui joue ici le rôle de Francis Perrin, est aussi très convaincant dans ce rôle sérieux et émouvant. Mais la vraie pépite du casting, la vraie star du film finalement, c'est comme Rossignol de La Ronde. C'est le jeune comédien de 5 ans qui joue le petit enfant atteint d'autisme. Renaud Bertrand, le réalisateur, tenait à avoir un enfant ayant véritablement ce handicap. Comme joue donc très très spontanément, il est très émouvant, il est exceptionnel dans ce téléfilm. Et bien sûr, ce sont les comédiens autour de lui qui doivent s'adapter sans cesse à ce jeu totalement imprévu de l'enfant. Et c'est là aussi où tout le travail du réalisateur, de l'équipe technique et des deux comédiens jouant les parents prend tout son sens. Il faut une patience infinie pour travailler avec un enfant autiste et le résultat est vraiment à la hauteur du travail fourni. La présence de Francis Perrin et de sa femme Gersande est très importante. Tout comme Perrin, le personnage du papa cherche dans l'alcool une sorte de béquille. Et tout comme Gersande, la maman doit mettre de côté sa carrière d'actrice pour s'occuper de son bout de chou. D'ailleurs, Louis Perrin joue dans ce film. Il joue un enfant autiste de 13 ans qui s'exprime très bien grâce à une bonne prise en charge. Et je pense que c'est une vraie délivrance pour les parents de le voir jouer la comédie comme ça. Tout est très bien traité. On est au plus proche de leurs souffrances et de leurs émotions sans jamais tomber dans le pathos. On est face à une longue phase de déni, puis à des consultations frénétiques. Les médecins sont traités avec humour, les scènes sont drôles, notamment celles chez le pédopsychiatre. Puis on se rend compte que c'est à peine exagéré. On commence à prendre peur et notre sourire se fige. C'est tout le propos du téléfilm, l'incompétence des services sanitaires en France, que ce soit au niveau médical comme au niveau politique, et des infrastructures sportives et scolaires. Un des personnages nous rappelle aussi quelque chose de très important que beaucoup de gens ignorent et j'aimerais conclure par ça. L'autisme, ça n'est pas une maladie, c'est un handicap. Merci Léa. Le téléfilm est diffusé sur France 2 le mercredi 30 mars à 20h55 et vraiment, vraiment, voyez-le. Ça vaut le coup. Merci. Merci Léa pour cette critique. Rien.